Cet épisode est dédié à la mémoire de mon père, Roger Le Touic, 1950-2024. 10194. La grève est enfin terminée. À l'issue d'âpres négociations entre le seigneur Muad'Dib et la guilde spatiale, et un peu sous la menace de représailles de la part de Dabshani, avouons-le, le long courrier chargé de frégates Atréides va enfin pouvoir quitter l'orbite d'Arrakis à destination de Veridel 7. La loi de Muad'Dib va pouvoir s'abattre sur tous ceux qui se dressent contre les justes. Déjà, les écoutilles étanches ont été scellées et Edric, le navigateur, se prépare à la transe d'épices lui permettant de replier l'espace. Tout est fin prêt pour la traversée. Le duc Esteban n'a qu'à bien se tenir. Longue vie au combat! Non mais sérieusement, c'est quoi le problème cette fois-ci? Hein? Quoi? Ah, ils vont m'entendre, c'est moi qui vous dis. Eh ben, excusez-moi, mais il semblerait que nous rencontrions quelques soucis techniques. En effet, retrouvons dans son caisson pressurisé un navigateur bien esselé. Il se passe quoi là? Où vous êtes? L'épice! J'ai besoin d'épices pour replier l'espace. Mais bon sang, où diable ces abrutis ont-ils bien pu passer? Gilles d'Eric! Oh, fausse joie, ce n'est que moi qui va. Rassurez-vous, ça m'emballe pas plus que ça de devoir me déplacer en personne. Nom d'un chien, mais vous faites jamais le ménage ici? Il y a des flaques partout par terre! On a embauché des gars pour passer le balai, mais on a fini par réaliser qu'ils ne font qu'étaler les fluides par terre. On s'est déjà fait engueuler par Shaddam à l'époque. Comme quoi, j'aurais dégueulassé sa salle du trône à ce qu'il paraît. Si vous voulez mon avis, c'est à cause du tressage des balais. Il n'est pas assez fin alors du coup. J'ai toujours dit qu'avec une serpillière... Si ça vous dérange pas, on échangera nos petites astuces de ménage une autre fois. Je peux savoir ce qu'on fiche encore en orbite d'Arrakis? Vous avez eu ce que vous vouliez, non? Cette fois, c'est pas ma faute, Seigneur Muad'Dib. Ce sont mes techniciens. Pas moyen de savoir où ils sont passés. Sans eux, je ne peux pas lancer les moteurs Holzmann. Mais c'est pas vrai, ça! L'organisation de votre vaisseau n'a rien à envier à celle du palais d'Arrakin. Et vu la pétaudière que je dirige, je peux vous assurer que c'est pas peu dire. Dites, ça leur arrive souvent à vos compères de se tirer comme ça sans prévenir? C'est pas croyable, ça! Ils passent leur temps à glander dans les couloirs, et quand on a besoin d'eux, y a plus personne! Ils ne sont pas toujours gérables, j'en conviens. Mais là, je ne comprends pas. Ouais, bah en attendant, moi, ça m'arrange pas. Je vais me prendre une chasse par bobonne, moi, si on décolle pas Fissa. Dites, vous pourriez pas me dépanner? De quoi? Bah oui! C'est pas vraiment compliqué, en fait. Si c'était le cas... Croyez bien qu'on ne confierait pas ce boulot à des abrutis pareils. Il faut simplement prendre le tuyau qui est sur votre droite, là, et... Vous voulez pas non plus que je passe un coup de chiffon sur les parois de votre bocal tant qu'on y est? Je vous rappelle quand même que je suis l'empereur de l'univers connu, bordel! Pas un gars de la maintenance! Bah... on est coincé alors. Ah non, ça va pas se passer comme ça. Je vais aller les chercher, vos Vodogus, et je vous les ramènerai par la peau des fesses s'il le faut. Vous... bougez pas de là. Ça ne risque pas. Au même moment, à l'autre extrémité du vaisseau... Ah. Ah, c'est vrai qu'il est pas dégueulasse celui-là. Tu trouves pas? Je sais pas. J'ai pas encore fini de goûter l'autre. Ah bah faut tenir le rythme, hein, mon petit monsieur. Hein. Allez, videz votre verre, c'est pas le même. Avec plaisir, aubergiste. Ah mon dieu, mais quel manque d'éducation, c'est pas possible. Vous devriez peut-être retirer votre casque hein, pour picoler, hein. Ça serait quand même plus confortable. Hein. Ouais, les scellés, ils sont récupérables. Ils sont toujours flippés depuis cette histoire avec le hublot, là. Oh, faut que je dis ça, je dis rien. Hein. Vous allez voir, celui-là, il est particulièrement rond en bouche. Je le fais venir d'Armentep par convoi spécial. Ça coûte quand même 2000 Solaris la boutanche, hein. Je me fous pas de votre gueule. Monsieur... seigneur! Mais attends, Armentep, dans le système des Top Lavonis? Mais ça a pas été détruit ça? Mais si, il y a pète en plus. J'ai dû confondre. Ah bah ça je confirme. La planète a été détruite après le départ des migrants Ensuni. Ils en parlaient la semaine dernière sur la chaîne de l'Imperium Astronomique. Eh, la prochaine fois que vous voulez sortir des bobards pour refourguer votre piquette à 5 centimes de Solaris le litron, renseignez-vous un peu. Oh, mais taisez-vous. De toute façon, dans leur état, ça ne fait plus aucune différence maintenant. Pétard, ils sont déchaînés. Ah non, mais c'est intolérable. Ceci dit, faudrait peut-être qu'on y aille, non? On n'avait pas un truc à faire. Ça me dit un truc. Ça y est, ça me revient. Il y avait pas une traversée aujourd'hui? Mais non, mais pas du tout. Vous devez confondre. Attendez, je vous resserre une lampée de Kirana Brandit Salusa Seconde Douce, hein? Ça va vous remettre les idées en place. Je savais pas qu'il faisait du Kirana Brandit là-bas. On s'en fout, oui! Faites péter! Vous m'en direz des nouvelles. Si ça vous plaît, je pourrais même vous en faire livrer sur jonction, hein. Ouais! J'en étais sûr! Et merde! Pris en flag! Je peux savoir ce qui se passe ici? Seigneur Modib. Je fais mon boulot de tavernier, quoi. Les honnêtes gens peuvent encore exercer leur métier librement dans cet empire. Oh, la mauvaise foi! Ah, tiens, le seigneur Mwabi... Mwabi... Ah, merde! Et toi, t'es complètement sous. C'est Wipix, ça se prononce... Et voilà nos deux zigotos. Mais ils sont ronds comme des queues de pelle. Alors là, je vous permets pas. Vous les avez fait picoler. Mais vous êtes marteau, Yves. Le navigateur a besoin d'eau au centre de contrôle de gaz d'épices. On devrait déjà avoir replié l'espace à l'heure qu'il est. C'est ballot, ça. Oui, c'est vraiment ballot. Je vous le fais pas dire. Attendez un peu. Désolé Yves, je crois que Paul a compris. C'était pourtant bien tenté. Mais c'est bien fait pour sa mouille, ça pouvait pas marcher, j'ai pas arrêté de le dire. Yves? Ouais, seigneur Mouadib, qu'est-ce que je pige pour votre service? Regardez-moi dans les yeux, Yves. Je préfère pas, seigneur Mouadib, vous allez encore faire vos trucs de béné machin chose, là. Dans les yeux, j'ai dit. Désolé, ça m'a échappé. Faut dire, c'est toujours impressionnant. Oh, la ferme. Bon, et vous? Vous savez que j'ai des pouvoirs de 10 heures de vérité, non? Vous n'espérez quand même pas me cacher quoi que ce soit, j'espère. Non, seigneur Motive. Je lis en vous comme un livre ouvert, sachez-le. Ah bon? Des années d'études, Bene Gesserit. Ah, vraiment? Le moindre geste, le moindre regard, le moindre paix peuvent délivrer de précieux renseignements. Ah mince. Oui, vous les avez fait picoler volontairement. Vous voulez savoir comment je le sais? Vous avez regardé une fois à droite et une fois en l'air avant de pincer les lèvres et de loucher vers votre nez en fronçant les sourcils. Ce sont des signes qui ne trompent pas. La vache, j'avoue, c'est bluffant. Moi, facile. J'ai vu un mentaliste de la maison jongleur faire pareil dans un cabaret il y a 2 mois. Là, vous claquez des dents et des genoux. Ça veut dire que j'ai vu juste et qu'il y avait un dessin inavouable derrière tout ça. Confessez-vous. J'ai la pétoche, seigneur Madib. La pétoche? Mais de quoi? Vous pouvez pas le deviner à la manière dont il penche la tête de côté tout en mouillant ses pantalons ou un truc du genre. Bah dites pas de conneries, ça marche pas comme ça. Alors, la pétoche de quoi? Bah du repliage d'espace, voilà. Rien que l'idée d'être là un moment et puis complètement ailleurs la seconde d'après, bah j'en pisse dans mon froc. C'est pas naturel. Voilà, vous êtes content? Et vous avez fait picoler ces deux abrutis pour qu'ils ne puissent pas actionner les moteurs Holtzmann? Mais vous êtes un grand malade! On vous l'avait pourtant dit que c'était une idée à la con! Et vous, chroniqueur, vous étiez au courant de ça? Oh, ne me regardez pas, hein. Je suis juste là pour raconter, moi. Ah là là là là... Bon, emmenez-moi ces deux poches, là, et mettez-les à cuver dans un coin. Goûte au revoir! Oui, goûte au revoir! Non! Ouais, c'est ça! Allez, venez par ici. Vous êtes fâché, seigneur Madib? Ah, franchement. Je sais même plus si je dois gueuler ou me marrer. Tenez, servez-moi un verre. Tout de suite, seigneur Madib. Dites, Paul, vu qu'on est bloqué pour l'instant. Vous voulez qu'on poursuive ma biographie, c'est ça? La vache, je suis impressionné. Il est trop fort. Comment vous avez deviné? Je vous dis, des années d'entraînement Bene Gesserit. Ça, et le fait que votre nécessaire de prise de notes est déjà installé sur vos genoux. Et aussi le fait que ça fait presque 17 épisodes que les intros finissent toujours pareil. Je suis impressionné. Que voulez-vous, mon petit vieux? On est le cousin de Saderac ou on l'est pas? Le kiwi... Qu'a des croûtes? T'as dû... mal entendre. Avancez, bordel. Et maintenant, un nouvel épisode de Dune. Épisode 19, le kiwi qu'a des croûtes. 10193. Paul Mouaddib a remporté avec brio l'épreuve de la chevauchée du Ver des Sables, le redoutable Shai Ulud, devenant ainsi un guerrier Fremen à part entière. En chemin vers le siège du Sud, l'équipage de combattants du désert est tombé sur une moissonneuse d'épices actionnée par un groupe de contrebandiers dirigé par nul autre que Gurney Halleck, le fidèle guerrier troubadour du duc Leto. Après de poignantes retrouvailles sur le champ de bataille, Fremen et contrebandiers réconciliés cheminent de conserve en direction de la caverne des oiseaux, poste de commandement des armées de Mouaddib. Alors là, j'ai les pas de scié. Si on m'avait dit un jour que je voyagerais sur le dos d'un Ver des Sables... Ça t'embouche un coup, hein? Et vous voyagez sur ces bestioles comme on prend l'autobus. C'est un coup à prendre, c'est tout. Moi, Deb oublie qu'il vient seulement d'effectuer sa première chevauchée. Un peu d'humilité ne lui ferait pas de mal. Oh, ça va. Moi, Deb? C'est toi le fameux Moi, Deb dont tout le monde parle? C'est toi ce nouveau chef Fremen qui utilise la peau de ses ennemis pour revêtir ses tambours? Ah, j'avoue, c'est stylé, hein. Oh, ça a beaucoup été exagéré, tu sais. Ah, je me disais bien que les nouvelles techniques de combat des Fremen me rappelaient furieusement celles qu'on employait du temps de ton père. Oui, bah ça va. On a bien compris que vous connaissiez Uzul avant nous. Uzul? Oui, c'est moi aussi. Ils m'ont collé une ribambelle de surnoms depuis que je suis là. Tu peux rajouter Madi, Lissan Al-Gaïb et... Pff, j'en passe, hein. Bah, je me contenterai de t'appeler mon seigneur duc si ça te va. Tous ces machins religieux, là, ça me met mal à l'aise. J'ai remarqué que vous l'appeliez aussi Petit Garnement. Ce n'est pas très respectueux envers le Lissan Al-Gaïb. Sachez, monsieur du sauvage, que je lui ai botté les fesses à plus d'une occasion à votre Lissan Al-Gaïb. Sacrilège ! Lissan Al-Gaïb ! On est vraiment obligé de faire ça maintenant ? Maintenant qu'Uzul a retrouvé son ami d'enfance, va-t-il tourner le dos à ses Feydaikin ? Dis donc, Stilgar, tu nous ferais pas une petite crise de jalousie, là ? Moi ? Pas du tout. Oh, moi, je m'en fous, hein. J'étais là avant. Saltimbanque. Sauvage. Dandy. Sycophante. Citadin. Tafio. Assez! On n'a pas le temps pour ces chamailleries! Faites la paix, tous les deux! Mais c'est ton sauvage qui a commencé, là! Faites la paix! Caverne des oiseaux en vue, Mouaddib! Ah, c'est pas dommage! Quelques instants plus tard, la troupe pénètre dans la caverne aux oiseaux après avoir laissé le Ver des Sables s'enfouir dans le désert. Paul est accueilli par un concert de viva de la part des Fremen assemblés dans la vaste grotte. Salut les avinches! Bienvenue Mouaddib, la nouvelle nous est parvenue, alors comme ça tu as dompté le Ver. Bravo! Merci Corba. C'était pas grand-chose, tu sais. Tu es trop modeste, Uzul. Ouais. Seigneur Mouaddib. Moi, c'est mon homme, ça. Ah, tiens, t'as une petite copine. Jolie, d'ailleurs. Petite copine? Gurney, autant tu peux te crêper le chignon autant que tu veux avec Stilgar, autant je te déconseille de mettre la mère de mon fils en pétard. Toi-même, tu n'en sortirais pas indemne. Ton fils? Eh, t'en as d'autres des nouvelles à m'annoncer tant qu'on y est? T'as pas chômé en 2 ans, à ce que je vois, hein. Tu n'as pas idée. Mouaddib. Qu'y a-t-il, Otaïm? Nous avons intercepté ce message que transportait un agent Harkonnen. Ça va te plaire. Tiens donc. Fais-moi voir cette littérature. Ah bah ça, ça en est de la bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça dit, Uzul? C'est un message du vieux baron à cet imbécile de Rabanne. En gros, il lui dit qu'il peut se mettre une tringle pour avoir des ressources supplémentaires, et il en profite pour lui mettre une chasse parce qu'il ne remplit pas ses quotas d'épices. Ce qui veut dire que ce gros porc a été abandonné par son oncle. Oui, il est désormais acculé, aux abois. C'est le moment de frapper. Notre heure est enfin arrivée, mes amis. Mais, bah, pourquoi tu fais cette tête de 6 pieds de long, Stilgar? Comme tu l'as dit, Uzul. L'heure est venue. Hein? Fais-le, maintenant! Défie-le! Défie-le! Défie-le! Défie-le! Défie-le! Défie-le! Défie-le! Casse-lui la gueule! Vas-y, Paul, défie-le! Il se passe quoi, là? Eh merde! Y'a pas moyen d'avoir un peu de répit avec ces gus. C'est la tradition, Usul. Mais de quoi vous parlez, bordel? Bah, maintenant que j'ai chevauché le Fer des Sables et qu'il est temps d'attaquer Rabban, les guerriers s'attendent à ce que je provoque Stilgar en duel pour prendre sa place de chef. Ah, les dégénérés! Les sauvages! C'est une autre culture. Défie-le! Défie-le! Tu permets, Gurney? Je gère ça deux secondes et je suis à toi. Défie-le! Fermez vos putains de mouilles! Non mais vous croyez quoi? Depuis quand on balance ton Chris à la poubelle avant de partir au combat? Vous croyez que je vais zigouiller un de mes meilleurs hommes quand j'en ai le plus besoin? Tu pourrais, Usul, maintenant que tu as retrouvé ton Gurney d'amour. Mais c'est pas fini, non? S'il y a que ça pour nous épargner les jérémiades de ce sauvage, je peux m'en charger moi-même si tu veux. Ça suffit! Stilgar est le naïf du siège Tabre. Vous croyez que c'est prendre sa place qui m'intéresse? Mais bande de branquignoles, vous n'avez encore rien compris? Vous voyez ce que j'ai au doigt, là? Ça, là, ça vient pas d'une pochette surprise! C'est l'anneau sigillaire ducal des Atreides! J'en ai rien à cirer, moi, d'être le naïf du siège Tabre, Tuono, ou je sais pas quelle caverne en sablé. Je suis le putain de duc d'Arrakis. Tous les chefs de tribu me doivent allégeance. Va-t-il falloir que je les zigouille les uns après les autres pour que vous compreniez? Avec quoi je me bats contre les Harkonnen, moi, après? Réfléchissez un peu, bordel! Bah oui, bande de crétins! N'en fais pas trop non plus, Gurneyman. Pas de combat à mort, alors? Cache ta déception, Corba. Non, mais je dis ça, je dis rien, hein. Tu ne peux pas remettre en question des millénaires de tradition, Usul. Si, je peux. Oh, ok. Vive le duc d'Arrakis! Atreide! Atreide! Atreide! Bon, bah ça c'est fait. Shani, va prévenir ma mère que je suis rentrée et que nous allons bientôt recevoir le conseil des Naïbes afin de régler les détails de la bataille à venir. Son aide pourra être précieuse. Oui, mon amour. Ta mère? Cette... Elle est encore en vie? Ah oui, j'ai pas eu le temps de te dire. Elle est ici, dans ces quartiers au fond de la Galerie Nord. C'est cool, hein? On est tous réunis? Oui, oui, très cool. Dis, j'aimerais bien aller pisser. C'est par où? Par là. Merci, j'en ai pas pour longtemps. Ok. Tâche de bien viser au centre et de pas en mettre à côté, hein? On recycle tout ici. Tu veux pas venir me la tenir tant qu'on y est? Un peu plus tard... Galerie Nord, ça doit être par là. Cette garce de Jessica, elle perd rien pour attendre. Là, une tenture. Ce sont certainement ses quartiers. Il est temps de régler les comptes. Oui, c'est au sujet de quoi... Gurney, quelle bonne surprise. Hé hey, mais qu'est-ce que vous faites? Ne fais plus un geste, sorcière. Mais enfin... Pas un mot. N'essaie pas de m'embobiner avec ta voix de sorcière. Mais je proteste. Bordel, mais qu'est-ce que tu comprends pas dans Ferme-la? L'heure est venue de payer, traîtresse. Qui veut un café? Oh bordel, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah, Paul, c'est pas dommage. Mais tu vas la fermer, oui. Gurney, t'as intérêt à t'expliquer, Fissa. Sinon, ami ou pas, je te donne pas cher de ta peau. T'en fais pas, gamin. Tout sera bientôt terminé. Maintenant, à vous, ordure. Je veux qu'il l'entende de ta bouche. Mais je ne vois pas de quoi vous parlez. Vous m'emmerdez à la fin. Dis-lui que c'était toi. Moi qui quoi? Oui, elle qui quoi? Qui nous a vendus au Harkonnen, bordel. Ah, ça. Oui, ça. J'ai vu les rapports. Même le duc Leto était au courant. Mais c'est un gros malentendu. La ferme, où je te saigne comme un porc Harkonnen. Encore une chance qu'il ne sache pas qui est mon père. Pardon? Rien. Gurney, j'étais au courant aussi. C'était une manœuvre des Harkonnen. Ils ont volontairement laissé des indices accablant ma mère. Mon père a fait semblant de jouer le jeu pour donner le change. Même ma mère ne le savait pas avant que je le lui révèle. Ah oui? C'était qui alors, hein? Mais c'était Yue, bordel! Yue? Oui, Yue! Vous foutez pas de moi! Le conditionnement impérial des docteurs sous... Nous avons sa confession par écrit. Les Harkonnen tenaient sa femme. Ah! Sa maudite femme dont il nous rabattait les oreilles sans arrêt. Il lui manquait plus que l'imperméable et le cigare. Bon, ça vous va? Vous me lâchez maintenant? Je pense que oui, alors. Merci. Punaise, vous avez une sacrée poigne. Monseigneur, je suis un misérable. Tenez, mettez un terme à mon existence. Je vous offre ma lame. Je suis même pas digne de la vôtre. Oh, mais c'est pas fini, ce cirque. Mais Paul... Ça suffit. Pardon, ça m'a échappé. Réjouissons-nous plutôt d'être réunis pour la grande bataille qui s'annonce. L'heure de notre vengeance a bientôt sonné. tu vas avoir l'occasion de te défouler sur les bonnes personnes. Bien. Bien, sire. À la bonne heure. Bon, faut que je vous laisse. Où vas-tu? Ça va? Tu as l'air complètement chamboulé, Paul. Il faut que j'aille méditer, mère. Ce qui vient de se passer, ça figurait dans aucun des avenirs que j'avais entrevus. Ma préscience n'est pas encore assez... Assez quoi? Nous sommes vulnérables si je ne peux pas tout prévoir. Je ne m'attendais pas à ça. Laissez-moi tranquille, il faut que je réfléchisse. Dites, il était blanc comme un linge, le polo, là. Vous pensez quand même pas qu'il va faire une bêtise? Oh non, c'est pas son genre. Dame Jessica, sans rancune. Oh, la ferme, vous voulez bien. Quelques instants plus tard, dans les profondeurs de la caverne aux oiseaux... Oui, c'est bien ici qu'ils conservent des bébés vers des sables. Là, j'en vois un dans le bac à sable. Petit, petit, petit, petit. Je suis désolée pour ce que je vais faire. J'aime pas faire du mal aux petites bêtes, mais là, ça s'impose. C'est clair à présent. Il faut que je boive l'eau de la vie. Ce n'est qu'ainsi que mes visions seront complètes. Je suis trop habituée à l'épice. Je ne vois presque plus rien. Ça, ça va me donner un bon coup de boost. Bon alors, où est-ce qu'il est le robinet? Voilà. Voilà, c'est presque fini. J'aime vraiment pas qu'on tue les petites bêtes. Je suis désolée. Bon, faisons en sorte que ça ne soit pas en vain. Voyons voir. Ouais, il a donné pas mal d'eau de la vie. Mais bon, on va peut-être pas faire le con. Une seule goutte dans un premier temps. Bon, et ben... Prosit. Bah, ça fait rien, ce truc. Wow! Encore vous? Ah non, la dernière fois, c'était ma mère. Ah oui, pardon, j'ai dû confondre. Bon, vous savez ce que vous avez à faire, hein? Je vous laisse vous débrouiller. Ah bah ambiance déjà. Vous êtes qui, vous, d'abord? Oh, je ne suis qu'un humble globule rouge. Ne faites pas attention à moi. Vous devriez plutôt vous occuper des gars en bleu, là. Où ça? Eux, là, ils sont pas assez voyants, tout bleu et tout brillant. J'ai déjà entendu ça quelque part. Ah oui, je les vois. Ceux qui se font attaquer par les mecs en blanc. Les mecs en blanc, comme vous dites, sont mes confrères lymphocytes qui essayent de combattre la propagation des molécules d'épices. Vous avez ingurgité un sacré poison, jeune homme. Si vous ne faites rien rapidement, on n'a plus qu'à baisser le rideau. Ouais, je vois le tableau. Bon bah, j'ai plus qu'à essayer d'en choper un. Pardon. Excusez-moi, laissez passer s'il vous plaît. Poussez pas, il y en aura pour tout le monde. Oui bon bah c'est encore moi le patron je crois, hein. C'est mon corps non? Ok, faites comme vous voulez. Hein. Faites gaffe, c'est des coriaces. Va falloir qu'on bosse en heure sup encore. Je gère. Tiens, viens par ici toi. Mais lâchez-moi. Oui bah désolé, hein. Je peux pas vous laisser me désinguer mes cocos. Hein. Bon, alors comment je fais pour vous neutraliser moi? Genre, je vais vous le dire. Ça sera pas la peine, ma mère m'a briefé. Alors... Déplaçons cet atome d'oxygène. Ok. Il me faut du carbone. Du carbone! Du carbone, bordel! Ah, voilà. Liaison avec l'oxygène établie. L'hydrogène, maintenant. Et merde, ça recommence. Et voilà! Tada! Ouais, pas mal. C'est du déjà vu. Et me voici inoffensif, patron. Alors, vous êtes content? Si on part du principe que tous les hommes qui ont essayé ont péri, bah, je dirais plutôt oui, hein. Eh ben, c'est l'essentiel, hein. Allez, bon, c'est le moment des visions. Je vous installe une chaise pliante, là. Profitez du spectacle. Bah, merci, vieux. Wouah! Bon sang, oh, c'est de la bonne. Ça y est, cette fois, je vois tout. Le djihad à venir... Le présent, le passé, les vies de mes ancêtres, tout, tout. J'ai enfin réalisé mon plein potentiel. Je suis le Kiwika des croûtes, celui qui relie l'espace et le temps et qui se trouve en plusieurs endroits à la fois. Je sais tout, je vois tout, je suis tout. J'ai le pouvoir. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? Bon sang de bois, c'est le présent, ça se passe en ce moment. Des centaines de vaisseaux de la guilde spatiale en orbite d'Arrakis. L'Empereur et les grandes maisons du Landstrad. Nous avons donné un bon coup de pied dans la fourmilière en stoppant la production d'épices sur Arrakis. Ils arrivent pour remettre de l'ordre. Ils savent pas ce qui les attend. Empereur, Baron, tremblez devant nous. Le dénouement approche. Nous arrivons. Nous arrivons. Ne manquez pas le dernier épisode de Dune. Épisode 20. La bataille d'Arrakis.